Le peignoir rose de Madame Bonaparte, de Marie Sommer. Un soir, chez Madame de Fonfrède, autour de la table somptueuse qui réunissait toutes les merveilleuses du directoire, on n'aurait jamais cru que la France venait de subir la terreur, la famine et la banqueroute. Devant ces gourmandises arrachées aux profondeurs des lacs, aux cimes des monts, faisans d'Écosse et carpes de Genève, ces pyramides de fruits exotiques, ananas des îles et raisins de Judée, on oubliait le temps, si proche encore, où un pot-au-feu coûtait 1500 francs en assignat, et où chaque convive apportait son pain au dîner prié. Quelles toilettes insensées éclairaient le grand lustre en cristal de roche, descendant du plafond jusqu'au milieu du surtout en porcelaine de Saxe. Madame Tallien portait ce soir-là sur elle de quoi racheter une abbaye ou un bien d'émigré. Péplum de gaz lamé d'argent qui ne gazait rien, et soulignait voluptueusement ce que le journaliste Mercier appelait les réservoirs de la maternité. Au cou, aux bras et aux doigts des pieds nus, les pattes de derrière, pour parler le langage un peu vif d'une satire contemporaine, des diamants gros comme des noisettes. Elle ne redoutait rien, l'amazone de la prison des Carmes, qui avait dans ses beaux cheveux noirs un poignard pour se tuer en prévision de l'échafaud. Maya Gara, le ministre, était placée à merveille ce soir-là entre Thérésia Tallien et une autre éclaireuse de la mode, Madame Hamelin, qui ne craignait pas non plus les coups d'audace. N'avait-elle pas osé paraître au bal d'Idalie sans le vêtement qui est la base de tout costume habillé ou négligé? Plus loin, la majestueuse comtesse de Cambis, la mignonne Madame de Noailles et la divine Château-Renaud, qui défaisait avec l'aide de deux galants muscadins ses gants lilas à 25 boutons, la seule chose montante dans toute sa toilette. La veille, chez Barras, après un souper des plus gais, cette muscadine n'avait parié que son léger costume, bague et coturne y compris, pesait moins que 2 écus de 6 livres. Elle s'était déshabillée séance tenante et avait gagné son pari. Étonnez-vous donc quand les costumes étaient si peu lourds que les femmes fussent si légères. Une très jeune personne, nouvellement débarquée de la province, Sophie Gay, regardait, tout ébloui, ces splendeurs parisiennes. Ses yeux ne pouvaient se détacher d'une femme assise à la place d'honneur en face de la maîtresse du logis. C'était Madame Bonaparte, alors en pleine lune de miel, séduisante à miracle et vêtue d'un péplum moins indiscret que tous les autres, un jaloux y mettant bon ordre. Bonaparte aussi était invité. Mais sur la prière de Joséphine, on avait passé dans la salle à manger sans attendre le jeune général, que les directeurs venaient de nommer chef de l'armée d'Italie. Il arriva enfin en rôti et, sans faire la moindre excuse, s'assit à la place qu'on lui avait réservée auprès de Madame de Fonfrède. À coup sûr, la toilette n'était pour rien dans ce retard. Les cheveux du guerrier, gras, aplatis, tombaient sans poudre sur une redingote grise, négligemment serrée à la taille par un cordon de soie auquel pendait un sabre. Les muscadins échangèrent avec leurs impossibles un sourire ailleurs, tandis que l'étourdie Caroline Hamelin interpellait le nouveau venu d'un bout de la table à l'autre. « Ah, général, on voit bien qu'on ne se bat pas ici. Vous vous êtes fait attendre. » À cette saillie, le visage sombre de Bonaparte se détendit un instant pour reprendre aussitôt la même expression. Le marquis de Livry se pencha vers Sophie Gay, sa voisine. « S'il faut en croire les théories de Lavater, voilà un petit gaillard qui ne doit pas être commode. » Mais on prétend qu'il est aux genoux de sa femme et qu'elle en fait tout ce qui lui plaît. Allons donc, avec ce front et ce profil, on n'obéit à personne. Un feu de paille d'ailleurs que l'amour d'un homme de 28 ans pour une femme de 34. Celle-là ne les paraît pas, j'en conviens. Mais impossible de m'en faire accroire à moi sur les questions d'âge. Monsieur de Livry, la plus mauvaise langue de tout Paris, cotait sans se tromper jamais, si bien conservées qu'elles fussent, les dames à leur nombre exact d'années, et ce petit talent de société ne lui faisait pas beaucoup d'amis. Toutes les flatteries et les coquetteries de Madame de Fonfrède y échouèrent. Le général Bonaparte s'obstinait à garder le silence et la maîtresse de maison, impatientée, hâta la fin du dîner. On se leva de table pour passer dans un salon rempli de jonquilles, d'héliotropes et de jacinthes, un vrai nid à migraine, si bien que Joséphine se trouva mal au bout de quelques instants. On l'emporta sur un divan dans le boudoir de Madame de Fonfrède et on s'empressa de dénouer sa ceinture à l'antique. Ce ne sera rien, mesdames, dit Thérésia Tallien d'un air entendu. Joséphine a en ce moment d'excellentes raisons pour s'évanouir. Bonaparte avait suivi les dames. Tandis que Madame Tallien parlait, la physionomie du général s'illumina soudain. Ses espérances de paternité prochaine semblaient le ravir, et son regard se posa avec tendresse sur celle qui venait de rouvrir languissamment les yeux. D'une main tremblante encore, Madame Bonaparte chercha à son cou le collier qu'on avait détaché au moment de l'évanouissement et jeté sur une console en forme de lyre. L'unique présent de noces du héros, dit tout bas Madame Hamelin en touchant dédaigneusement le bijou. Il ne s'est pas ruiné. Une chaîne de cheveux attachée par une plaque d'or émaillée sur laquelle vous pouvez lire ces mots gravés « Au destin ». Bonaparte s'était approché de sa femme. Il lui dit quelques mots à l'oreille et la baisa au front. Puis, sans répondre aux adieux de Madame Tallien ni même saluer les dames, il sortit vivement pour se rendre au Luxembourg chez Barras. Décidément, dit en rentrant dans le salon la belle Château-Renaud au comte de Tilly, c'est un sauvage que votre Bonaparte. Je suis sûr qu'il ne sait pas même danser à la Monaco. En effet, cet homme ne savait ni danser ni faire la révérence, mais en quelques mois il prenait l'Italie, l'Égypte, et prouvait à l'Europe que la France était la première des nations. Moins de 2 ans après ce dîner où il avait fait si triste figure, nous le retrouvons premier consul. Le destin s'était chargé de récompenser l'offrande du héros. Joséphine n'avait pas la permission de voir ses amis ni de fréquenter la redoute inaugurée par M. de Livry. Elle s'en dédommageait, tout le monde le sait, en faisant une dépense enragée. Elle adorait surtout les bijoux et entassait dans ses écrins diadèmes, ceintures, bagues et bracelets. Son compte chez le bijoutier en renom, M. Nito, montait à une somme considérable. Celui-ci, après avoir été le plus patient des créanciers, se décida enfin à demander une audience à Madame Bonaparte. Elle le reçut un matin, à la Malmaison, dans le petit salon bleu du rez-de-chaussée qui précédait sa chambre à coucher, et avec le plus charmant sourire. « Si vous venez me demander de l'argent, Monsieur Nito, vous tombez mal. Je suis affreusement gêné. Il faut me faire crédit quelques mois encore. Soyez tranquille, vous serez payé jusqu'au dernier écu. » Je n'ai garde d'en douter et je serais désolé de paraître importun à Madame Bonaparte. Mais qu'elle daigne songer que j'ai fait beaucoup de crédit tous ces temps-ci. Les rentrées sont difficiles et je me trouve à la veille d'une échéance importante. Merci de la préférence que vous m'accordez. Pauline vous doit presque autant que moi. Pourquoi ne pas vous adresser à elle ? Madame Bonaparte sait bien que ce serait difficile. Sa belle-sœur est au Cap, à 2 000 lieues d'ici. C'est juste, et moi qui suis à la Malmaison, je dois payer pour toute la famille. Voyons, monsieur Nito, à combien se monte le chiffre formidable de mes dettes ? 40 000 livres environ, madame. Et si vous pouviez au moins me donner un acompte de 20 000 livres ? Mais vous n'y pensez pas, mon Dieu ! Où les prendrais-je, vos 20 000 livres ? Le premier consul ne pourrait-il... Mon mari ? Impossible. Hier, justement, il m'a fait un serment. J'ai promis de me corriger et de ne plus faire de dettes. En ce moment, le son des trompettes arriva par la fenêtre ouverte et les tambours battirent au champ. Joséphine tressaillit. « Quelle surprise ! Le premier consul ! Je ne l'attendais que pour dîner. » Monsieur Nito avait trop le sentiment des convenances pour ne pas comprendre que son audience était finie. Il s'inclina profondément et gagnait déjà la porte lorsque Madame Bonaparte le rappela. « Votre situation me touche véritablement, monsieur Nito. » « Je suis bien pour quelque chose dans vos inquiétudes financières et je voudrais essayer de les soulager. J'ai mon idée. Entrez dans ce cabinet et surtout, ne bougez pas. » En achevant ces mots, elle poussa le bijoutier dans un réduit où les garçons d'appartement accrochaient plumes et balais. Puis, revenant vers une psyché, près de la fenêtre, elle jeta un coup d'œil sur son négligé de batiste rose garni de maline, prit au hasard un livre qui traînait sur un guéridon, et s'étendit sur le canapé dans une pose aussi naturelle que gracieuse. Cette mise en scène à peine terminée, on entendit dans le salon voisin la voix la plus fausse de France fredonner un air de Zémir et Azor, la porte s'ouvrit et le premier consul entra gaiement. « Déjà levée, ma petite femme, quel miracle » fit-il au milieu d'un long baiser promené du front jusqu'aux lèvres. J'avais deviné que tu viendrais déjeuner ce matin, Napoléone, murmura la créole en se renversant avec abandon sur l'épaule de son mari. L'espoir et le courage revenaient au cœur de Joséphine. Les caresses du maître étaient de bon augure. Il y avait dans l'année quelques semaines au plus, alors que les arbres verdissaient et que les petits oiseaux faisaient leur nid, où cet homme de bronze subissait d'une façon absolue l'influence féminine. « Tu as raison de te lever de bonne heure, » reprit-il. « Tu es fraîche comme Hébé ce matin. Comme c'est gentil, la batiste rose sur une peau blanche. » Il enveloppa Joséphine d'un regard amoureux, essayant d'ouvrir davantage le peignoir. Il y allait en conquérant, habitué à ce que rien ne lui résiste. Le tissu fragile se déchira. Joséphine fit une petite moue irrésistible. « À quoi penses-tu? Mon beau peignoir tout neuf, le chef-d'œuvre de Madame Germont ?»« Parbleu, le grand mal, elle sera enchantée d'en refaire un autre, la voleuse. » Et le premier consul mit de réchef un baiser sur la brèche qu'il venait d'ouvrir. Dans son refuge, M. Nitto ne perdait pas un mot du dialogue et tremblait de tous ses membres. Être là, derrière cette porte, surprendre cet aigle en flagrant délit de tendresse conjugale, il y avait de quoi frémir. Un silence dans le petit salon. Quelques minutes s'écoulèrent. Puis la voix de Bonaparte, vibrante et saccadée, frappa de nouveau les oreilles bourdonnantes de l'infortuné Nitto. « Adieu, je me sauve là-haut, travaille avec râpe jusqu'au déjeuner. Auparavant, signe-moi le bon de 20 000 livres que tu viens de me promettre. »« Comment, moi, je t'ai promis 20 000 livres ?»« Tu l'as rêvé, joli masque. »« Non, pas, tout à l'heure. Je te l'ai demandé bien bas et tu as dit oui. » « Vraiment, madame l'enjôleuse ? En ce cas, vite, la plume et l'encre, je suis pressé. » Il griffonna deux lignes à l'adresse du banquier Ingerlo et, se tournant vers Joséphine, « Es-tu contente à présent ? Que les femmes viennent encore se plaindre qu'on ne fasse pas toute leur volonté. Mais je t'en avertis, c'est la dernière fois, n'y reviens plus. » Il s'éloigna en fredonnant le même air de Zémir et Azor. Joséphine se précipita vers le cabinet noir pour délivrer le prisonnier et lui tendant le papier signé par le premier consul. « Tenez, monsieur Nitto, j'ai réussi. C'est une chance. J'avais grand peur. Je jouais une grosse partie. »« Et moi donc ?» murmura le bijoutier en s'essuyant le front. « C'est égal, » disait-il bien des années après au bibliophile Jacob, duquel nous tenons cette anecdote. « S'il m'avait entendu bouger, si j'avais seulement renversé un plumeau, il était capable de m'envoyer prisonnier d'État au Mont-Saint-Michel. » Ainsi s'achève le peignoir rose de Bonaparte de Marie Semard.